Bien le bonjour sur ce tout nouveau podcast du bon sens. Ceci est un épisode zéro, en fait un épisode de test